Ce choix, il est particulièrement crucial dans une période préélectorale comme celle-ci, et elle pourra soit conforter Donald Trump dans ses positions actuelles, soit montrer un fléchissement dans sa politique extérieure. C'est une affaire à suivre qui est particulièrement importante en moment de crise grave entre les États-Unis et l'Iran. Alors, suite à de nombreux problèmes, mais notamment très récemment suite aux attaques de drones sur des installations pétrolières saoudiennes qui ont été revendiquées par les Houthis, et les Houthis qui sont soutenus politiquement par les Iraniens. La personnalité de ce conseiller et sa position vis-à-vis de l'Iran pourraient être déterminantes sur la suite des événements, soit une montée des tensions, soit peut-être une désescalade. Nous allons maintenant passer au grand dossier, avec un invité qui va nous parler du Qatar et de son soft power. Pour le grand dossier de ce mois-ci, nous avons avec nous Yacine El-Yatioui, secrétaire général du Centre de recherche marocain pour la globalisation Neige Maroc, qui va nous parler d'un sujet plutôt original auquel on ne pense pas obligatoirement, le soft power du Qatar à travers le foot. Alors, si le nom vous dit quelque chose, c'est parce que tu es le frère du professeur El Yatioui, qui est au Mexique et qui a également été un de nos invités dans l'émission. Salut à tous, merci en tout cas pour votre invitation, pour le Léviathan que je suis maintenant depuis de nombreux mois. Et en effet, oui, je suis le frère du professeur El Yatioui Mohamed Badine, qui est professeur à la Oudla, qui est aussi donc le président de Neige Maroc, Centre marocain de la recherche de la globalisation. Et ce centre de recherche, en fait, existe donc depuis 3 ans. Et son objectif, donc, est de faire rayonner la politique marocaine sud-sud, qui existe depuis maintenant presque 10 ans, par le biais de Sa Majesté le roi Mohamed VI, au roi du Maroc actuel. Et voilà, l'objectif donc de Neige Maroc est de faire rayonner cette politique via des revues universitaires semestrielles, via également des conférences internationales qui se déroulent soit en France, soit au Maroc, soit au Mexique. Et la dernière, par exemple, était un congrès international qui s'est passé à Laayoune, dans le Sahara marocain, du 5 au 8 juillet, où il y a eu voilà, beaucoup de chercheurs internationaux, argentins, mexicains, colombiens, belges, australiens et de nombreuses autres nationalités qui sont venus donc intervenir sur plusieurs journées afin d'évoquer donc cette politique marocaine qui commence à devenir de plus en plus rayonnante, surtout à travers l'Afrique de l'Ouest, où il y a voilà, une liaison historique et plus même qu'historique, géopolitique également, avec le Maroc. Donc voilà. On vous mettra en description d'ailleurs le lien vers le site du centre pour que vous puissiez aller consulter si la question marocaine vous intéresse. C'est ça. Merci beaucoup. En tout cas, voilà, il y a un compte Facebook, il y a un compte Twitter qui vient d'être créé, qui a moins d'un mois. Le site internet est en cours de création et je vous mettrai également en lien, grâce au Léviathan, les différentes revues déjà qui ont été publiées depuis maintenant un peu plus de 3 ans. Et il y a même une certaine Carolina qui avait écrit il y a quelques mois sur la question des gilets jaunes. Donc voilà. Je me demande qui c'est. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus particulièrement toi ? Oui, donc voilà, Yacine El Yatioui, 26 ans, bientôt 27, donc secrétaire général de ce centre de recherche que j'ai donc co-créé avec mon frère. En parallèle, je suis voilà, en recherche d'une école doctorale pour être dans la continuité de cette thématique de Neige Maroc, parce que voilà, la thèse doctorale que je veux faire, c'est les relations diplomatiques et également économiques via l'intelligence stratégique entre le Maroc et l'Afrique de l'Ouest. Et voilà, à côté de cela également, je suis éditorialiste pour un webmédia marocain, surtout concentré sur le foot marocain, parce que j'ai écrit déjà de nombreux articles depuis maintenant 5-6 ans. Et voilà, donc j'essaie toujours de mêler mes nombreuses passions que sont le football, que sont l'Afrique, que sont le Maroc. Et voilà, j'essaie des fois de regrouper tout ça et de faire des contenus originaux. Donc voilà. Et même si là, tout de suite, tu nous parles beaucoup de Maroc, oui. Ce n'est pas le pays dont tu viens nous parler aujourd'hui, oui. Même s'il y a la thématique football qui va revenir. Absolument, absolument. On va évoquer le Qatar. Le Qatar, donc, qui utilise ce soft power via le football pour essayer de rayonner et de se donner une nouvelle image à l'international. Et ce Qatar, on l'avait évoqué également, encore une fois, je fais beaucoup de pubs, pour Neige Maroc, dans une revue qu'on avait faite sur la géopolitique du sport. Quelque chose, on va dire, une thématique qui n'est pas très courante, qui n'est pas très, on va dire, facile à émettre comme ça, de manière aisée. Mais la géopolitique du sport devient de plus en plus influente et le Qatar utilise ce stratagème pour essayer de rayonner à l'international. Alors, est-ce que tu peux commencer par nous dire ce que c'est que la géopolitique du sport ? Bien sûr. Bah, la géopolitique en fait, du sport, c'est donc utiliser le sport afin de se connecter à travers le reste du monde et de montrer un rayonnement de son pays via l'organisation, par exemple, de compétitions internationales, via également, désormais depuis une dizaine d'années, le rachat de clubs de foot très connus en Europe, et de montrer donc que le politique peut s'insérer dans le monde sportif et donc ensuite créer des connexions entre les États pour faciliter donc ensuite soit des partenariats commerciaux, soit des alliances politiques, soit tout simplement des rapprochements entre deux pays qui, à la base, en dehors du sport, ne sont pas proches, mais grâce au sport, se rapprochent et donc essaient de créer des alliances. Et donc, comment est-ce que le Qatar s'insère dans tout ça ? Ils ne sont pas spécialement connus pour avoir des équipes mondiales, donc de quelle façon est-ce qu'ils s'insèrent dans cette logique ? Bah, le Qatar, dans cette logique, s'est imposé donc sur la scène internationale grâce à des investissements importants dans le sport, ayant à sa disposition la troisième réserve de gaz mondial, c'est pas rien quand même, mais sans réelle puissance donc militaire, ce petit état de la péninsule arabique s'est révélé donc être un acteur redoutable dans l'utilisation du sport power. C'est un terme maintenant qui commence à exister via des revues universitaires anglophones. Et donc, c'est un des dérivés du soft power. Et donc, par ce biais, le Qatar rachète, par exemple, le Paris Saint-Germain, depuis maintenant de nombreuses années, s'insère également dans le paysage médiatique français avec l'apparition de beIN Sport. Donc, pour débuter, une petite présentation du Qatar. Donc, comme je vous ai dit, qui est le premier exportateur de gaz naturel au monde. Et la position donc, géographique du Qatar l'oblige à avoir une diplomatie active. Situé face à l'Iran, à proximité de l'Irak, et voisin également frontalier de l'Arabie Saoudite, le Qatar vit dans une zone géopolitique très troublée. Après avoir déclaré son indépendance en 1971, c'est donc un pays très jeune, et face à la création d'une fédération entre les Émirats du Golfe, le pays choisit une posture de non-alignement délicate. Il y a même un surnom dans certaines revues universitaires qu'on dit que le Qatar est un petit peu la Suisse de la péninsule arabique. Et pour se protéger donc de ses voisins, le Qatar signe dans les années 90 un accord de coopération de défense avec les États-Unis. Ces derniers bénéficient ainsi d'une base militaire à l'est de Doha, qui est donc la capitale de l'Émirat, proche de nombreux théâtres d'opérations au Moyen-Orient. Face à cette situation, donc, la stratégie d'émergence de l'Émirat suit deux logiques. Il y a une logique tout d'abord économique, anticiper une baisse de revenus du gaz et inscrire l'économie du pays dans une démarche post-hydrocarbures, davantage donc tournée vers le tourisme et vers également le commerce extérieur. Et dans un deuxième cas, il y a aussi une logique diplomatique, car le Qatar s'est lancé dans la construction d'un soft power à l'international pour mettre en évidence sa modernité, sa richesse et son innovation. Donc la dimension de prestige du Qatar l'apporte donc par la diplomatie du sport, qui est, via sa popularité, via sa médiatisation et son universalité, un moyen donc de faire rayonner son pays. Et donc il vise à donner au Qatar les moyens de ses ambitions. Et à partir donc des années 90, le Qatar se lance dans l'organisation de compétitions internationales. Tout d'abord, la Coupe d'Asie des Nations de football en 1988, qui est l'équivalent en fait de l'Euro sur le continent asiatique. Il y a également l'Open de Doha de tennis depuis 1993, excusez-moi, qui s'organise maintenant chaque année au sein de la capitale qatarie. Il y a aussi le Master du Qatar de golf depuis 1998, c'est quand même déjà plus de 20 ans. Il y a aussi le Tour du Qatar de cyclisme depuis 2002. Pas très, on va dire, évident pour les cyclistes via la chaleur. Oui, effectivement. Mais, je serais assez intéressé pour regarder ça. C'est, on va dire, pas très intéressant sur le plan sportif. Mais il y a quand même voilà, un Tour du Qatar qui est très intéressant sur le plan économique pour les cyclistes et donc qui existe depuis 2002. Et donc, depuis l'obtention de l'organisation de la Coupe du Monde de football qui va se dérouler donc en 2022 au Qatar, l'Émirat travaille sur l'organisation aussi d'un Grand Prix de Formule 1. Et enfin, l'objectif ultime du Qatar, après cette Coupe du Monde 2022 et la mise en place d'ici quelques années de ce Grand Prix de Formule 1, c'est les Jeux Olympiques. Mais sur ce dossier, le Qatar devra encore attendre, parce qu'en effet, sa candidature qui a été présentée pour 2020 était jugée trop faible vis-à-vis de celle de Tokyo, qui sera donc la ville hôte d'ici quelques mois. Tu as parlé de beaucoup de sports autres que le foot. Ben oui. J'ai aussi lu que le Qatar était pas mal impliqué sur des questions hippiques. Également. Et qu'il avait acheté des clubs hippiques, absolument. Entre autres en absolument, France. Absolument, absolument. Le Qatar s'est inséré de manière très très offensive depuis maintenant, on va dire, une dizaine d'années dans le domaine hippique international, essentiellement en France et également en Grande-Bretagne. Et ça leur permet donc de se pluraliser dans le terme de sport et également de viser un public autre que le football. On sait que le football est un sport très populaire, que le sport hippique est un sport qui concerne une classe sociale un petit peu plus élevée. Et le Qatar donc essaie de vraiment de ratisser au plus large pour donner l'image d'un pays capable d'organiser tout événement et de s'insérer dans n'importe quel sport via donc ses ressources financières très nombreuses et via maintenant ses capacités d'organisation qui commencent à être de plus en plus reconnues. Et donc, dans cette logique de sport, le Qatar a attiré à la fin de la première décennie des années 2000, dans son championnat de football qui est d'un niveau très très très bas, l'équivalent par exemple pour ceux qui vont nous écouter qui suivent un petit peu le football, le championnat d'élite qatari, c'est l'équivalent de la 3e, 4e division en France. Donc il y a vraiment un certain creux au niveau de la compétitivité sportive du championnat du Qatar. Mais à la fin des années 2000, le Qatar a essayé d'attirer des joueurs en fin de carrière, tels que Franck Leboeuf, par exemple, qui était champion du monde 98, Marcel Desailly, Gabriel Batistuta, qui est un immense joueur argentin, ou encore Romario, champion du monde 1994 avec le Brésil. Tous ces joueurs avaient une trentaine bien consommée, étaient plus sur leur fin de carrière que leur début de carrière, et via des contrats très juteux sur le plan financier, et ben ils ont été attirés par le Paris Qatari, par le championnat Qatari, et les Qataris, en fait, a utilisé ce stratagème pour donner un petit peu plus de visibilité au championnat, en championnat local. Et est-ce que ça a amélioré la qualité du jeu et est-ce que ça a eu un impact au niveau diplomatique ? Pour l'instant, sur le plan sportif, on va dire qu'il y a eu une petite amélioration. Une petite amélioration sur le plan de la compétitivité dans les matchs. Il y a certains clubs qataris maintenant qui essayent d'être performants dans les compétitions asiatiques face à des grands clubs japonais, face à des grands clubs également saoudiens qui... l'Arabie Saoudite, l'éternel rival du Qatar dans la région, a le football et développe son football depuis bien plus longtemps que le Qatar. Et sur le plan géopolitique, oui, sur le plan géopolitique énormément, parce que par exemple, en 2004, donc, le Qatar a créé une académie flambant neuve qui s'appelle l'Académie Aspir, et qui est donc doté d'infrastructures dernier cri, et l'objectif donc de cette académie est d'attirer tous les futurs grands talents du sport mondial, soit qatari ou pas. Et en vue donc de l'organisation de la Coupe du Monde 2022. Et donc le projet de cette académie est de pouvoir présenter une équipe nationale compétitive, parce que c'est bien sympa quand même d'organiser une Coupe du Monde 2022 au Qatar, il faut quand même que l'équipe nationale, qui est donc qualifiée d'office, pour cette vision géopolitique, est quand même un certain niveau. Et le problème, c'est que le Qatar, pour l'instant, est loin, loin, très loin d'avoir un niveau déjà juste, on va dire, moyen pour être compétitif dans cette Coupe du Monde 2022 qui va arriver très, très prochainement. Est-ce que l'humiliation sportive qui pourrait arriver s'ils ne sont pas au niveau aurait des impacts sur la géopolitique du Qatar ou... Absolument, absolument. Ça serait un énorme couac au niveau du Qatar, parce que vu l'investissement immense, là on parle de milliards, hein. C'est vraiment des milliards de dollars entre l'Académie Aspire, entre le rachat du Paris Saint-Germain, entre l'intégration de joueurs européens en fin de contrat dans le championnat qatari, l'investissement financier est immense, et avoir, arrivé en 2022, Coupe du Monde, devant des milliards de téléspectateurs, et arriver à une sélection du Qatar, qui est éliminée par exemple au bout de 3 matchs, ça serait vraiment une catastrophe sur le plan géopolitique, et montrer tout simplement que l'argent ne fait pas tout, et que le sport, c'est bien plus que de l'argent. Il y a vraiment une stratégie à adopter. Quelles sont les probabilités dans tout ça que le Qatar arrive à avoir une équipe qui soit au niveau pour qu'il n'y ait pas tout ça qui se passe ? L'arrivée d'une équipe, d'une sélection nationale du Qatar performante en 2022, il y a pour l'instant plusieurs interrogations. Et pour que le Qatar arrive à être performante, pour l'instant, il faut qu'elle continue déjà à travailler, à énormément travailler, et à ne pas penser uniquement à attirer des joueurs étrangers, donc non qataris, mais à développer une formation de joueurs qataris, qui sont nés qataris, et donc qui a certaines identités aussi nationales. Parce que la géopolitique, via la Coupe du Monde, c'est aussi une certaine identité nationale. Par exemple, nous, en France, on l'a connu avec la Coupe du Monde 98 et la génération Black Panther, qui a été une thématique très très importante sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan même politique, et pendant plusieurs années, jusqu'à 2002 et l'arrivée de Jean-Marie Le Pen au second tour, qui a mis fin à cette génération Black Panther et cet idéalisme de multiculturalisme à la française et de réussite au niveau de la société. Et le Qatar, pour l'instant, n'a pas compris que l'argent ne fait pas tout. Et par exemple, moi qui suis également donc les résultats sportifs de la sélection nationale du Qatar, et quand je vois que, par exemple, sur un 11 titulaire de l'équipe nationale du Qatar, il y a pratiquement autant de Qataris que de joueurs naturalisés, ça ne crée pas une certaine osmose, ça ne crée pas une certaine fluidité, et surtout ça ne donne pas une belle image au Qatar, qui en fait achète des joueurs pour leur donner un passeport qatari pour enfin être compétitif. Mais ça ne marche pas comme ça, et le Qatar donc doit se remettre en question. Et pour cela, pour que donc l'émirat du Qatar devienne un statut de leader régional via ce soft power du football, cette Coupe du Monde 2022 est l'objectif limite obsessionnel du Qatar. Le Qatar, que ça soit sur le plan politique, que ça soit sur le plan économique, ne pense qu'à ça. 2022. Et donc, à l'origine de cette certaine épopée qui maintenant continue depuis plusieurs années, il y a le Cheikh Tamim. Cheikh Tamim, Ben Hamad El Thani, qui est donc l'émir du Qatar, et ce dernier donc cumule les mandats de président du Comité Olympique National Qatar. Il cumule également le titre de président du Comité d'organisation de la Coupe du Monde 2022, et il est aussi propriétaire et président du fonds d'investissement souverain qui s'appelle QIA, Qatar Investment Authority, et ce fonds d'investissement en fait est une formation tentaculaire qui place énormément de fonds financiers dans le domaine hippique, dans le domaine du tennis et également dans le domaine du football. Et fondé donc en 2005, ce fonds d'investissement QIA a permis donc par exemple à l'Émirat d'acquérir le club du Paris Saint-Germain en 2011. L'attrait pour la ville de Paris permet ainsi au Qatar de communiquer à l'échelle planétaire. En s'emparant également du sponsoring du FC Barcelone, le maillot maintenant du FC Barcelone, il y a toujours le sponsor maillot Qatar Airways, et vu que le FC Barcelone est l'un des 3 plus grands clubs de football au monde, et ben ça donne également un rayonnement supplémentaire massif pour le Qatar. Même si le football demeure la discipline sportive où il y a le plus d'investissement par le biais de cet émirat, il y a donc, comme je vous ai dit, encore une fois d'autres sports. Il y a aussi par exemple, le handball. Le Paris Saint-Germain, désormais, n'est plus un club uniquement de football, c'est un club omnisport. Et c'était une décision du Qatar d'uniformiser en fait plusieurs sports collectifs et d'intégrer donc un club qui a été créé de toutes pièces, le Paris Saint-Germain Handball, où le Qatar a ramené tous les plus grands joueurs du monde, essentiellement, dont par exemple Nicolas Karabatic, qui est le handballeur le plus connu, surnommé par exemple le Zidane du handball. Et donc depuis ce rachat la création de ce club de handball PSG Handball, ça s'est matérialisé aussi par l'organisation de la Coupe du Monde de handball en 2015 et la création d'une sélection nationale qui a atteint la finale. La sélection nationale de handball n'existait absolument pas. Elle est créée en quelques mois et elle arrive en finale de Coupe du Monde de handball. Ce qui est assez étonnant parce que à côté du football où ils mettent beaucoup d'efforts, oui, et où tu disais qu'ils avaient une équipe relativement moyenne, oui, le handball, alors certes, c'est un sport qui attire moins les masses que le football. Mais c'est assez impressionnant qu'ils aient réussi à aller jusqu'en finale. Ou alors les autres équipes étaient très mauvaises. Et en fait, il y a quelque chose qu'il faut savoir derrière cela, c'est que le Qatar, en fait, a essentiellement et pratiquement totalement amené des joueurs étrangers. L'essentiel des joueurs de handball de la sélection qatari lors de cette finale de Coupe du Monde 2015 étaient des Espagnols, des Français, des Anglais. Beaucoup de joueurs européens, qui avaient donc prénom non européen, mais qui jouaient pour la sélection du Qatar, dont même un joueur qui est arrivé 2 petits mois avant la Coupe du Monde sur le sol qatari. Il n'est jamais allé au Qatar de sa vie. Et 2 petits mois avant, il est arrivé sur le sol qatari, il a enfilé le maillot qatari, un passeport qatari, et il a défendu le Qatar pour une Coupe du Monde de handball, où ils ont atteint donc la finale face à la France en 2015. Donc tout ça pour voir qu'il y a une certaine, fausseté de la part du Qatar, d'être performant uniquement sur le court terme. Parce que derrière, il y a ce but géopolitique d'être une vitrine performante et de montrer au monde entier, nous avons une sélection compétente, nous sommes capables d'organiser des compétitions internationales, et pour cela, s'il faut ramener des joueurs non qatari, on ramène des joueurs non qatari. L'éthique du sport est un petit peu bafouée, mais malheureusement, l'arrivée des pétrodollars qatari font que c'est la règle. Est-ce que la fausseté dont tu parles, c'est pas aussi lié au fait que le pays soit extrêmement jeune, que donc il peut pas y avoir une culture sportive telle qu'il y a en France, enfin dans les pays européens, absolument, mais aussi aux États-Unis? Absolument. Le Qatar n'est pas un pays de sport. Culturellement. Par exemple, par rapport à son voisin et éternel rival, l'Arabie Saoudite a une culture sport depuis maintenant une trentaine, quarantaine d'années. Via un championnat de football qui commence quand même à être compétitif, via une sélection nationale d'Arabie Saoudite qui est, elle, composée essentiellement de locaux et qui se qualifie très très souvent à la Coupe du Monde. Par exemple, la Coupe du Monde 2018 que la France a gagnée, l'Arabie Saoudite l'a jouée, a réussi à se qualifier, ce que le Qatar n'arrive pas. Donc, par rapport à cela, c'est vrai qu'il faut du temps. Et pour l'instant, ce temps-là, il y a de l'investissement sur des structures, mais il n'y a pas de l'investissement sur la formation. Et par exemple, même dans le domaine scolaire, on voit que, par exemple, dans le domaine scolaire qatari, le sport n'est pas quelque chose qui est très, très populaire. Par exemple, l'équivalent des associations sportives lycéennes en France, ça n'existe pas encore au Qatar. Et cet intérêt donc du sport pour les adolescents n'est pas présent. Et donc, il y a une répercussion ensuite à l'âge adulte où il y a très peu de sportifs de haut niveau de nationalité qatari. Et c'est bien dommage. Donc, il y a une vraie dissonance entre la politique extérieure du Qatar qui est très portée sur le sport, c'est ça, et la population du Qatar qui, elle, n'en a rien à faire. Absolument. C'est assez... C'est paradoxal. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont choisi le soft power via le sport si la population, elle, n'avait pas d'intérêt particulier pour le sport? Parce que, tout simplement, la famille de l'émirat du Qatar, la famille qui règne donc sur le pays, est une famille passionnée de sport et omnisport. Et par cela, en fait, ils ont voulu éduquer et amener cette éducation envers son peuple sur le fait que on vous amène les meilleurs joueurs, on vous amène les meilleures compétitions, on va même organiser la Coupe du Monde 2022, éduquez-vous, arrivez vers le sport, intéressez-vous au sport, et comme ça, donnez une image du Qatar, d'une image d'une jeunesse dynamique, d'une jeunesse intéressée par le sport, et d'une jeunesse également qui n'est pas uniquement affiliée au pétrodollar, au building, à cette ville très artificielle de Doha, mais à une ville omnisport où également on peut tout simplement s'éclater en faisant du sport de bon niveau. Et par cela, cette éducation, par exemple, arrive aussi avec la création d'Al Jazeera Sport, qui est donc une chaîne de télévision internationale dédiée au sport et qui était rebaptisée en 2014, le 1er janvier 2014, beIN Sport. Ça, tout le monde le connaît en France, la chaîne beIN Sport. Et le Qatar donc a voulu éduquer et commence et continue à éduquer sa population locale en rachetant tout simplement tous les droits des championnats internationaux. Par exemple, la NBA de basket aux États-Unis. La Ligue des Champions, bon désormais là depuis quelques années, beIN Sport a perdu ses droits face à SFR, l'arrivée d'Altice, mais l'ensemble des championnats français, espagnols, italiens, allemands sont diffusés sur beIN Sport. Et en fait, l'objectif du Qatar, c'est regarder les championnats en Europe, regarder le championnat de France, regarder le championnat d'Italie. Et ben, prenez ça comme exemple, prenez ça comme curseur d'excellence et amenez donc la population qatari à tout simplement se rapprocher petit d'année en année à ce niveau d'excellence sportif européen. C'est incroyable, ça, j'avais aucune idée que beIN Sport, c'était eux qui le détenaient. Mais du coup, en fait, Al Jazeera Sport, j'imagine c'était une section de Al Jazeera qui est une chaîne très connue, souvent plus d'infos et tout, non ? Il me semblait. Et du coup, c'est en général que c'est détenu par le Qatar ou c'est le Qatar qui a acheté celle-là spécifiquement et qui du coup l'a rebaptisée ? Al Jazeera, comme tu l'as si bien dit Carolina, est une chaîne très très connue dans le monde arabe. Très très connue, mais quand je vous dis très connue, c'est l'équivalent de CNN pour le monde arabo-musulman. Par exemple, moi qui est d'origine marocaine, la chaîne Al Jazeera tourne dans tous les cafés et tous les restaurants marocains à longueur de journée parce qu'il y a des débats, c'est la chaîne d'information d'excellence dans le monde arabo-musulman. Et donc, Al Jazeera a une stratégie, à la fin de la première décennie des années 2000, eh ben, d'élargir sa branche, tout simplement, information, et d'amener également plusieurs chaînes sportives. Et donc, il y a eu, au début, ça a beaucoup couiné en France, le fait que sur notre programme TV, on avait comme chaîne Al Jazeera Sport. Et dans une stratégie de naming et dans encore une fois une stratégie du Qatar de s'adapter au public européen et d'amener un rayonnement positif et non négatif du Qatar sur l'Europe, eh ben il y a eu un changement de chaîne avec un nom anglais, beIN Sport, et qui amène donc on va dire moins de méfiance, moins de peur du public européen via cette chaîne. Parce que Al Jazeera, il faut bien savoir que cette chaîne, par exemple, est très critiquée dans l'échiquier politique, par exemple, français. Ou, par exemple, la chaîne d'information Al Jazeera accueille beaucoup des politologues, des universitaires qui sont des fois très critiques envers la politique occidentale, que ce soit française ou américaine. Et donc, pour, on va dire, polir tout ça, eh ben beIN Sport, tout simplement, depuis 2014, a ramené au sein de sa chaîne sportive en France, qui est donc une continuité d'Al Jazeera en France, eh ben, tous les journalistes qui sont excellents en France. Par exemple, Alexandre Ruiz, qui était la référence du football français en termes de journalisme sur Canal+, eh ben beIN Sport lui a fait un pont d'or et lui a fait tout simplement comprendre, si tu viens à beIN Sport, tu seras la tête d'affiche, tu seras notre monsieur football sur la chaîne beIN Sport. Et depuis donc 2014, ça fait maintenant 5 ans, il est le monsieur football sur beIN Sport. Il y a également d'autres aussi, anciens joueurs, Luis Fernandez, Boumsong, Will Tord, Robert Pires, qui était champion du monde 1998, qui sont tous maintenant consultants au sein de cette chaîne, où il n'y a pas d'intervenants qatari, où il n'y a pas d'anciens joueurs qatari, où il n'y a pas de dirigeant qatari qui intervient sur la chaîne française beIN Sport. Tout simplement, c'est une chaîne qatari, mais administrée par des journalistes français, par des consultants français, par des anciens joueurs français. Et c'est là qu'on voit vraiment toute l'importance de la géopolitique du sport, parce que au-delà du fait d'acheter un club, on pourrait dire bon, bah, ok, il le possède, et alors, on voit bien que la continuation via l'achat d'une chaîne spécialisée au sport, et ben on peut passer beaucoup de messages. Absolument. Parce que même si ce sont des journalistes français qui parlent, à partir du moment où la chaîne est possédée par des Qataris, il y a forcément un message bienveillant, oui, qui est porté sur le Qatar, et peut-être un peu moins bienveillant envers les compétiteurs, disons, du Qatar. Et c'est typiquement grâce à ce genre d'informations que tu nous apportes, parce que pareil, hein, je ne savais pas que beIN Sports, ça appartenait au Qatari. C'est typiquement par ça qu'on peut comprendre comment un État, à travers son soft power, peut avoir vraiment beaucoup d'influence sur des sujets qu'on n'imaginerait pas. Aujourd'hui, on parle du sport, on pourrait parler de plein d'autres choses différentes. De la culture, beaucoup de la culture. Où le Qatar également s'intègre aussi sur le paysage culturel via le rachat d'une certaine partie du Louvre, via également le rachat d'anciens châteaux français. Et donc, le Qatar essaie vraiment de devenir polyvalent. Et par exemple, par rapport à beIN Sports, pour continuer un petit peu le stratagème du Qatar, regardez bien la prochaine fois, Carolina ou Océane, la couleur, tout ce qui est habillage par rapport au plateau télé et juste par rapport au logo de la chaîne, c'est le mauve et le blanc qui rappellent donc les couleurs du drapeau du Qatar. Donc, par ce biais, il y a toujours une certaine, certaine stratégie de ramener le Qatar de manière subliminale, mais tout simplement que le Qatar apparaît de plus en plus comme un pays gentil, comme un pays bankable, comme un pays attirant pour faire ses vacances, pour s'y rendre, pour pratiquer du sport. Et montrer donc que le Qatar est loin d'être le pays autoritaire, très sectaire, comme son voisin, par exemple, et éternel rival, l'Arabie Saoudite. Et si dans le monde occidental, il y a quand même une certaine résistance au Qatar, bien qu'elle, grâce au football notamment, hein, bien qu'il y a une vraie opinion populaire positive maintenant, est-ce que dans le monde arabo-musulman, cette dédication au sport a eu un impact ? Un certain intérêt de montrer par exemple à d'autres pays que tout simplement c'est possible, désormais c'est possible. Il faut mettre de l'argent, il faut avoir une certaine stratégie, il faut s'investir totalement dans cette cause, mais c'est possible. Et par exemple, ça a donné l'envie par exemple du Maroc d'organiser la Coupe du Monde 2026. Donc le Maroc allait potentiellement être le deuxième pays parce que musulman, arabo-musulman, à organiser la Coupe du Monde, parce que rappelons que le Qatar en 2022 va être le premier pays arabo-musulman à organiser la Coupe du Monde. Et rappelle-nous, la Coupe du Monde, ça a commencé 1930. Quand même, voilà. Beaucoup de pays arabo-musulmans qui ont été ignorés pendant. Absolument. Par exemple, le Maroc, qui est pas dans sa première candidature pour la Coupe du Monde 2026. A voulu organiser la Coupe du Monde 98, ça a été donné à la France. A voulu organiser la Coupe du Monde 2006, ça a été donné à l'Allemagne. A voulu être le premier pays africain à être organisateur de la Coupe du Monde en 2010. Et pour une seule petite voix, ça a été attribué à l'Afrique du Sud. Et on a vu ensuite, via une enquête, les Panama Papers et les Wikileaks, que en fait cette voie-là a été donnée comme dernier cadeau pour Nelson Mandela qui était mourant, et donc il y avait encore une fois une question géopolitique de donner à l'Afrique du Sud cette attribution d'être le premier pays africain à organiser une Coupe du Monde. Et le Maroc, encore une fois en 2026, a perdu entre guillemets en finale de l'organisation de la Coupe du Monde 2026 face au gigantesque trio Mexique, États-Unis, Canada. Quand il y a le Mexique, les États-Unis, le Canada qui font une organisation tripartite face à un petit pays comme le Maroc n'a pratiquement pas de chance, et la FIFA donc a encore une fois attribué l'organisation aux puissants. Mais le Qatar montre que il faut toujours espérer, il faut toujours croire. Qatar, c'est un plus petit pays en superficie que le Maroc, mais via un investissement, via une stratégie très longue durée, c'est possible, et ça donne donc de l'espoir à ces pays arabo-musulmans. Pour preuve, on parle peut-être pour 2030 ou 2034 d'une possible, encore conditionnelle, et d'une possible candidature de l'éternel rival, l'Arabie Saoudite, pour une organisation de Coupe du Monde, parce que l'Arabie Saoudite l'a travers de voir que son petit rival, parce que l'Arabie Saoudite est un gigantesque pays par rapport au Qatar en termes de superficie, organise une Coupe du Monde avant elle. Donc il y a une certaine guéguerre à chaque fois à travers cela. Mais est-ce que tu ne penses pas que ce sera plus difficile pour l'Arabie Saoudite que le Qatar? Parce que même s'il y a des questions sur les droits de l'homme au Qatar qui sont assez régulières, l'Arabie Saoudite est quand même championne dans ce genre de choses, et notamment sur la place des femmes, oui. De manière générale, et aussi dans le sport. Bien sûr. Est-ce que tu ne penses pas que c'est un peu espéré beaucoup de la part de l'Arabie Saoudite que de recevoir chez elle une telle compétition, ou est-ce que tu penses qu'au contraire, ils ont leur chance et que ça leur permettrait eux aussi de se donner une image plus ouverte sur le monde? Je suis amplement d'accord avec toi sur ton analyse, surtout que l'Arabie Saoudite, entre guillemets, ça va être marrant de dire ça, mais se qatarise. Pourquoi? Pourquoi se qatarise? Parce qu'avec l'arrivée maintenant de Mohamed Ben Salman, qui est le fils de l'actuel roi Salman d'Arabie Saoudite, le roi Salman est en fin de course. Tout le monde sait que Mohamed Ben Salman, son fils, est désormais le dirigeant de l'Arabie Saoudite. Et en fait, il a émis un programme il y a quelques mois, Arabie Saoudite Vision 2030. Et cet objectif donc de l'Arabie Saoudite jusqu'en 2030, c'est de petit à petit démocratiser, amener une image de l'Arabie Saoudite moins sectaire, moins obscure et moins, on va dire, dure par rapport aux droits de l'homme, par rapport aux droits des femmes et par rapport uniquement, déjà, juste à la démocratie. Exemple, là, il y a moins de 18 mois en Arabie Saoudite, les femmes, désormais, peuvent passer le permis de conduire. Oui, effectivement. C'était une révolution dans la société saoudienne. Alors, révolution dans la société, ça a été aussi un gros plan de communication de la part de l'Arabie Saoudite envers le monde extérieur. Ouais. Ils l'ont bien fait savoir. Les médias l'ont beaucoup relayé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas toujours des très graves problèmes. Bien sûr. Le droit de l'homme, le lynchage, par exemple. Absolument. Donc, l'Arabie Saoudite essaie de se qatariser, essaie de se donner une belle image pour donc amener le fait que nous devenons petit à petit un pays, entre guillemets, ouvert, et par ce biais, avoir ensuite, on va dire, l'aval de la FIFA pour organiser une potentielle Coupe du Monde 2034 ou plus tard. Donc, comme on voit à chaque fois, il y a des décisions politiques pour ensuite amener le sport comme vitrine de « regardez, nous ne sommes plus comme avant ». Nous sommes désormais un pays attirant, un pays qui peut communiquer, qui peut s'allier avec aussi les puissances occidentales. Et je vais peut-être poser une question qui fâche, oui. Mais parmi les voisins du Qatar, il y a l'Iran, oui. Qui est un gros problème géopolitique, alors pas dans le sens où le pays est un problème, mais la situation iranienne pose un gros problème, notamment sur les questions nucléaires et balistiques. Je ne connais rien du tout à la politique sportive de l'Iran. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelque chose? Est-ce que le fait que le Qatar devienne une puissance du sport power, comme tu disais, est-ce que l'Iran essaye de suivre la voie ou est-ce que l'Iran n'est pas du tout sur la même... Pour l'instant, l'Iran, entre guillemets, soutient officieusement ce développement du Qatar. Content qu'un pays, entre guillemets, voisin se développe par ce biais. Et le Qatar, en fait, l'Iran, excusez-moi, sportivement parlant, est un pays de football. C'est un énorme pays de football. Nous, de nos yeux de Français ou d'Occidentaux, on n'est pas au courant. Mais les stades, par exemple, le stade de Téhéran est l'un des stades les plus grands du monde. Il fait 95 000 places. Et lors des matchs, par exemple, de la sélection nationale du Qatar ou du grand club de Persépolis, club local iranien, performe beaucoup dans les compétitions de clubs asiatiques, l'Iran est un pays vraiment où la culture football et où la culture sport est très très importante. Et pour parler d'une organisation de l'Iran pour une Coupe du Monde, pour l'instant c'est non, parce que la ligne politique est encore trop fermée pour que l'Iran s'ouvre au monde et puisse organiser une Coupe du Monde. Mais l'Iran, on va dire que culturellement, c'est un pays de football. C'est un pays qui s'est aussi souvent, très souvent qualifié à la Coupe du Monde. Encore une fois, en 2018, le pays s'est qualifié, il fait une très belle Coupe du Monde, même s'ils ont battu le Maroc, malheureusement, contre le désarroi. C'est ça. Mais non, l'Iran est un grand pays qui, en plus, bizarrement, on dit que l'Iran est un pays très fermé envers les Occidentaux et envers les étrangers. À part le football, non. Le football, depuis maintenant, on va dire, une quinzaine, vingtaine d'années, à chaque fois, le sélectionneur national de l'Iran est un sélectionneur étranger. Et ça donne donc une certain savoir-faire amené de l'Europe pour éduquer donc cette jeunesse iranienne et à donc performer, à devenir encore et toujours de plus en plus performante. Donc c'est une bonne chose de voir un immense pays comme l'Iran, qui pèse énormément sur le plan géopolitique au Moyen et au Proche-Orient, de voir que c'est un pays compétitif sur le plan sportif et ça continuera à coup sûr. Et donc, la stratégie qatari est plutôt une bonne chose pour l'Iran. J'imagine que l'Iran va essayer de faire tout son possible pour être qualifié. C'est l'objectif. Et représenté. Ouais. Est-ce que, comme le Qatar, est-ce que tu penses qu'elle pourrait essayer de passer ses valeurs, si c'est une nation, la nation du football? Bien sûr. Est-ce qu'elle pourrait essayer de faire ça? Parce que ce n'est pas vraiment la ligne politique qu'elle suit en ce moment. Pas du tout, mais en fait, l'Iran est dans une autre stratégie par le biais de sa sélection nationale. C'est de montrer que on ne souffre pas à l'Occident, on reste qu'entre nous, et malgré ça, on est performant. Donc regardez, nos structures sont fortes, notre équipe est forte, composée uniquement de locaux, c'est que des Iraniens qui jouent au sein de la sélection nationale iranienne. Il y a quelques, en plus, deux ou trois joueurs iraniens qui ont su s'exporter et jouer dans des championnats européens, dont en Allemagne. Et cette sélection iranienne, donc, montre une stratégie politique inverse, qui est dans la continuité de sa ligne politique de base, qui est, on est entre nous, on est certes vu comme sectaire, mais on est performant. Donc, c'est la stratégie de l'Iran. Et bien évidemment, l'objectif est de se qualifier pour la Coupe du Monde 2022. Coupe du Monde 2022 qui va être un grand bordel sur le plan de l'organisation. Pourquoi ? Parce que comme vous le savez, même si je pense que vous n'êtes pas très intéressé par le football, mais vous savez que la Coupe du Monde se déroule tous les étés, à chaque fois tous les 4 ans, mais les étés. Mais la Coupe du Monde au Qatar va se dérouler au mois de décembre 2022. Pour des raisons assez évidentes de température. Absolument, pour des raisons donc climatiques de température. Mais le fait d'organiser cette Coupe du Monde au mois de décembre, les clubs qui normalement jouent au mois de décembre vont avoir un calendrier complètement chamboulé. Ça veut dire qu'un petit pays comme le Qatar, qui a su donc obtenir une organisation de la Coupe du Monde 2022, en pratiquement 100 ans d'histoire du football international, va être le premier pays qui va organiser une Coupe du Monde en hiver. Donc, juste pour être clair, en 2022, pour Noël, il y aura des fan zones, peut-être à Belcourt. Il y aura des fan zones et il y aura certains gros fans qui regarderont ça pendant les vacances de Noël. Absolument, ça sera ça. Ça sera par exemple des matchs à 17-18 heures quand on sait qu'en Europe, à 17-18 heures, il commence déjà à faire nuit ou il fait déjà nuit au mois de décembre. Donc pour voir que quand on a l'argent et quand on a une certaine stratégie politique, on peut même chambouler tout un calendrier qui est organisé depuis 80, 90 ans, presque 100 ans. Et un pays comme le Qatar change tout. En tout cas, merci beaucoup Yacine pour ce sujet extrêmement intéressant dont je n'avais pas du tout les connaissances. Je pense que nous avons beaucoup appris avec Océane et j'espère que ça vous ait autant plu à vous les auditeurs qu'à nous. Merci en tout cas Carolina pour cette invitation. C'est vrai que c'est pas courant de mettre un lien le politique et le sport. Et voilà, j'ai voulu vous mettre en lumière cette stratégie de ces petits émirats qui maintenant, depuis presque 10 ans, s'intègrent sur le plan sportif et par derrière a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ambitions géopolitiques. Donc merci en tout cas pour votre invitation et pour cette émission. Mais on t'en prie, Yacine. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire et on te réinvitera peut-être pour venir parler d'un autre État que tu connais bien, peut-être le Maroc. Avec grand plaisir. Sous l'angle sportif ou pas. Mais voilà, n'hésitez pas à nous contacter, à nous faire des retours. Et on vous dit merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette rentrée. On se retrouve le mois prochain et on se retrouve surtout dans quelques jours pour un nouveau concept sur Léviathan.